une partie de boule avec des crânes. Raymond et Marie-Thérèse restèrent seuls quelques secondes, pendant lesquelles ils se regardèrent avec tendresse. Et puis, tout de suite, ils furent rappelés aux contingences par la ruée enthousiaste de toute la gent géographique. Les deux jeunes gens se laissèrent entraîner par le flot. « Mais que dira votre père ?» demanda Raymond, « quand celui qui a véritablement envoyé le bracelet se fera connaître. »« Eh bien, il nous pardonnera. Je ne vous ai fait mentir que pour le rassurer, car entre nous, les histoires de la tante Agnès et d'Irène ne l'ont pas laissé tout à fait indifférent. C'est un petit enfant, mon papa. Nous l'aimerons bien, n'est-ce pas ?» Les voitures officielles, les calèches, étaient déjà envahies par les membres de la société, qui se disposaient à aller faire visite à François Gaspard, les dernières foules incaïques aux environs de la ville, puis à prendre le chemin de fer pour les fouilles d'Encouf. Le marquis était assis en face de l'académicien, et tous deux étaient radieux. Marie-Thérèse, au passage, les salua et leur cria qu'ils allaient bientôt les rejoindre. En effet, il était entendu que ce soir-là, on se retrouverait pour y dîner et passer la nuit à la villa que le marquis possédait au bord de la mer entre Lima et Ancône, ce qui permettrait à François Gaspard de se livrer, dès le lendemain matin, à sa passion scientifique, car cette demeure estivale, déjà encombrée comme un musée des derniers trésors historiques arrachés à la terre, s'élevait au centre des fouilles mêmes. Cependant, les deux jeunes gens, moins amateurs des choses de la mort que messieurs les membres de la Société de géographie et d'archéologie, s'attardèrent à Lima, que Marie-Thérèse voulait faire apprécier et aimer à Raymond. Ce n'est qu'après une longue promenade dans le Paso de Amancoès qu'ils songèrent à aller rejoindre le cortège. Ils partirent en auto, par un chemin impossible, déjà menacé par l'approche du soir, et puis suivi par le vol sinistre des gallinazo, ces vautours noirs toujours affamés, que l'on tolère cependant dans les rues au Pérou, et même que l'on respecte, car les municipalités leur savent gré de contribuer à la propreté des rues. L'auto avançait dans une plaine immense où se succédaient les haciendas, les poreros, prairies où se fait l'élevage des chevaux, et séparées entre elles par des tapisses, sortes de petits murs en terre d'un mètre environ. Et puis la plaine n'offrit plus guère à la vue que du sable, vaste étendue lugubre, toute jonchée d'ossements, étalant les restes des malheureux que les collectionneurs ont déterrés et laissés blanchir au soleil. « Eh bien, c'est gai par ici !» s'exclama Raymond. Marie-Thérèse, tout en ne cessant de gouverner pour le mieux sa voiture, montra du doigt quelques métisses qui avaient abandonné la garde des chevaux au coin d'une hacienda pour faire une partie de boule avec des crânes magnifiques. Un tibia servait de but. Ils arrivèrent bientôt aux environs d'Ancône, où ils retrouvèrent le marquis et François Gaspard et toute la société qui se promenait parmi les huacas les plus importants, cimetière indien du temps des Incas. Le terrain entier était rempli d'obscures cavités. Dans chacune d'elles avait dormi une momie que l'on avait arrachée à son sommeil millénaire. Raymond et Marie-Thérèse étaient descendus d'auto, mais ils ne s'étaient pas joints au groupe. Ils se promenaient, isolés, tristes, au milieu de ces débris funèbres. Ils s'étaient débarrassés de l'auto que le boy avait conduite à son garage d'Ancône. « Pourquoi ne pas laisser dormir en paix les morts quand la vie est si belle ?» fit la jeune fille en serrant la main de Raymond. Celui-ci la fit asseoir sur un monticule à l'abri de tous les regards. Il se mit à genoux près d'elle et lui jura qu'il l'aimerait toute sa vie. Lui jura cela sur tous les morts qui étaient là. Et ils joignirent leurs lèvres au milieu de cet affreux cimetière. Le bruit d'un discours les fit revenir aux choses de la mort. Le président de la société, suivi de tout son monde, expliquait les travaux au fur et à mesure qu'il passait dans les fouilles les plus fraîches. En se promenant dans cette nécropole, on peut évoquer, disait-il, l'ombre des Incas et se croire un instant au milieu d'eux. Voici un trou de 2 mètres au fond duquel on a trouvé un paquet couvert de sable. C'était le chien qu'on sacrifiait sur la tombe du maître, qui devait l'accompagner avec sa femme et ses principaux serviteurs. Le chien portait encore au cou la corde qu'il avait étranglée et ses pattes étaient ligotées. Puis nous trouvâmes le cadavre de l'épouse, qui, elle aussi, avait une corde au cou, et qui avait dû être étranglée comme le chien, peut-être parce qu'elle n'avait pas eu le courage de se donner la mort elle-même. Enfin, nous eûmes la joie d'entendre l'ouvrier s'écrier « Aqui está el muerto !»« Voici le mort !» Car pour l'Indien, les cadavres autres que celui du maître ne sont en aucune façon dignes d'intérêt. Et bientôt, en effet, le chef lui-même, gros rouleau d'étoffe, dépassait la fosse et était déposé ici à mes pieds. Nous avons déroulé les liens et les tissus dont il était enveloppé. Les tissus et la momie étaient dans un état de conservation extraordinaire. La peau adhérait encore aux os de la face, et le chef avait conservé tous ses cheveux et toutes ses dents. Les Égyptiens ne faisaient pas mieux, messieurs. À ce moment, il y eut un tumulte, et le bruit se répandit que les ouvriers venaient de faire une découverte sensationnelle, celle de trois grands chefs incas avec des têtes extraordinaires. Les groupes revinrent sur leurs pas, et Raymond et Thérèse les suivirent. Alors ils assistèrent à une exhumation de momies vraiment fantastique. D'abord, dans cette dernière tombe, on avait trouvé des petits sacs pleins de grains de maïs et de feuilles de coca, des jarres qui avaient dû être remplies de chicha, tout le viatique enfin pour le grand voyage. Et puis des vases d'or, des amphores d'argent, des coupes, des statuettes martelées, des bijoux. Tout un trésor qu'un coup de pioche venait de révéler et qui avait été déposé au bord de la fosse. Enfin, les momies des trois chefs étaient déterrées, ou plutôt désensablées, avec mille précautions. Et un membre de la société leur avait déjà découvert le visage, et ce fut presque terrible. Pour comprendre ce que Raymond et Marie-Thérèse furent des premiers à apercevoir, il faut savoir que chez les Incas, comme du reste de nos jours encore chez les Basques de la montagne, on faisait prendre au crâne vivant la forme que l'on voulait. Les crânes des bébés étaient déformés au moyen d'éclisses, de planches rapprochées et serrées de cordes. Tantôt le sommet de la tête était façonné en cône, tantôt il était aplati et se développait latéralement, tantôt on en faisait une énorme citrouille, etc. On est maintenant fixé sur le motif de ces différentes déformations. Les Incas n'ignoraient point les sciences phrénologiques, et, précurseurs de Gall et de Spézern, ils essayèrent de développer telle ou telle qualité guerrière ou intellectuelle en augmentant telle ou telle partie du cerveau. Mais il est établi que cette déformation n'était permise que pour les enfants de l'Inca qui étaient destinés aux plus hautes fonctions. Le peuple était condamné à vivre avec son crâne et son cerveau ordinaire. Donc, les trois têtes des trois chefs apparurent. Quelle apparition! L'une de ces têtes était cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle montait tel un énorme pain de sucre. Et c'était une chose hideuse que ce front de cauchemar, de bête d'apocalypse, entouré de ses cheveux qui semblaient encore vivants, doucement agités par la brise de mer. La seconde tête était aplatie comme une casquette crâne, très rejetée en arrière. La troisième ressemblait à une véritable boîte carrée, à une petite valise. Des fantômes sur un balcon. Marie-Thérèse recula devant cette triple horreur et entraîna son fiancé, en dépit de la curiosité que celui-ci manifestait, loin de toutes ces violations de sépulture. Ils s'enfuirent ainsi jusqu'à la plage, qui, à Hong Kong, est généralement douce et apaisante. Le flot du Pacifique y vient mourir dans un calme absolu. Les courants et la houle y sont peu sensibles. Une grande paix vient du large. Les Liménéens ont fait de ce coin de mer une station balnéaire des plus connues, mais qui, en cette saison, était encore déserte. Marie-Thérèse et Raymond arrivèrent en vue de la villa du marquis de la Torre, à la nuit tombante, et encore sous l'impression des étranges figures de mort qu'ils venaient d'apercevoir. C'est en vain qu'ils voulaient en rire et qu'ils essayaient d'en plaisanter. La brise, qui, au brusque coucher du soleil, s'était élevée plus forte, soulevait dans l'ombre de pâles et légers tourbillons de sable, qui, autour d'eux, semblaient autant de fantômes accourus du fond des Wakas pour leur reprocher leur impiété et leur sacrilège. Ces jeunes gens n'avaient point coutume de se monter l'imagination. Cependant, ils furent heureux d'être abordés, devant la villa, par un énorme majordomo, le valet de chambre de Cristobal, bien enchéré en os, qui leur apprit que le marquis et François Gaspard était déjà arrivée. Une petite domestique quichua, nommée Concha, se jeta avec les démonstrations coutumières de l'amour et de la servitude aux pieds de sa maîtresse, en lui affirmant qu'elle, Concha, avait été certainement morte pendant son absence et qu'elle ne vivait qu'en sa présence véritablement. « Voilà comme nous les avons pour 8 sols par mois, » fit Marie-Thérèse, tout à fait remise de ses émotions et reprise par les détails du ménage. « Et encore, cette petite fait admirablement le ponchero, pot-au-feu créole, dont vous me donnerez des nouvelles, mon cher Raymond. »« Maîtresse, » fit la petite en souriant avec bonheur de ses énormes lèvres qui lui barraient toute la figure, « je vous ai préparé le locro que vous aimez tant. » Ce soir-là, le dîner fut vite expédié, car tout le monde était fatigué et François Gaspard devait se lever à la première heure du jour. Raymond et Thérèse s'étaient très prosaïquement bourrés de locro, maïs cuit à l'eau au sucre avec des petits morceaux de viande, le tout relevé de piment et arrosé de chica, la piquette de rigueur pour ses mets populaires. Et quand ils se trouvèrent au premier étage, prêts à se séparer sur le seuil de leur chambre, ils purent se rappeler, en riant d'eux-mêmes, leur transe passagère sur la plage après leur fuite du Wakas. La main de Marie-Thérèse s'attardait dans celle de Raymond. « Bonne nuit à la Vierge du Soleil, » fit le jeune homme, et il posa un baiser sur le disque de soleil lui-même qui brillait au poignet de sa fiancée. « Tout de même, vous n'allez pas dormir avec ce bracelet qu'on vient d'on ne sait où, d'on ne sait qui. » « Il m'est cher à partir d'aujourd'hui, et puisque vous y avez posé vos lèvres, Raymond, je le garde, je ne veux point d'autre gage de notre bonheur. » Et elle entra dans sa chambre. Elle n'en avait pas plutôt passé la porte qu'elle poussa un cri terrible et repassait affolée sur le palier. « ils sont là » balbutiait-elle avec toutes les marques du plus grand effroi. « Quoi, qui ?» interrogea Raymond, épouvanté de la voir dans un si singulier état d'agitation et de tremblement nerveux. Elle claquait des dents. « Les trois crânes vivants !»« Marie-Thérèse, est-ce que vous devenez folle ?»« Je vous dis qu'ils sont là, tous les trois crânes vivants, appuyés à la vitre de mon balcon. Ils m'ont regardé entrer dans la chambre avec des yeux épouvantables, mais avec des yeux vivants, des yeux qui ont retrouvé leurs prunelles. Raymond, Raymond, non, non, n'entrez pas, appelez papa !» Le jeune homme pénétra dans la chambre avec la lumière qui vacillait encore dans la main de Marie-Thérèse. Il alla au balcon, ouvrit la porte-fenêtre qui donnait d'un côté sur un coin de la mer et de l'autre sur le panorama lunaire de la plaine, où, pendant le jour, les pioches sacrilèges avaient violé les demeures millénaires des morts. Et il ne vit rien qui ne fût tout à fait normal. Il se retourna vers la jeune fille qui s'appuyait toujours tremblante à la porte et lui dit qu'elle avait été certainement victime d'une hallucination. « Voyons, Marie-Thérèse, vous qui êtes si raisonnable. Raymond, je vous dis que je les ai vus. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez vu? Là, sur le balcon, derrière la vitre, les trois crânes des chefs incas, les trois abominables crânes vivants qui me regardaient. Mais enfin, Marie-Thérèse, revenez à vous. Vous savez bien que nous les avons vus tirer sur le bord de la fosse. Ils y sont peut-être encore. Comment voulez-vous qu'ils viennent se promener sur votre balcon? Vous croyez aux revenants, aux fantômes? Mais non, je vous dis que ceux que j'ai vus n'étaient pas morts, qu'ils étaient vivants. » Raymond, pour la rassurer, crut devoir éclater de rire. « Ne riez pas, ne riez pas, je les ai bien reconnus, allez, exactement, ils y étaient tous les trois, la casquette crâne, le crâne pain de sucre et le crâne petite valise. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'il venait faire là, pourriez-vous me le dire ?» Cristobal, attiré par le bruit que faisaient les deux jeunes gens, s'amusa de la peur enfantine de Marie-Thérèse. L'oncle François Gaspard se montra lui aussi en bonnet de coton. Sa vue fit rire tout le monde, excepté cependant Marie-Thérèse. Pour la rassurer, le majordome dut faire le tour de la maison. Il rentra sans avoir rien vu de suspect. « Ce sont tous ces morts de tantôt qui t'ont monté la tête, ma pauvre enfant. Je te croyais quand même plus sérieuse que cela, » dit Cristobal. Elle ne voulut point coucher dans sa chambre et elle en fit préparer une autre à l'autre bout de la villa. Raymond, pendant ce temps, parvenait à lui faire entendre raison. Elle comprenait enfin qu'elle avait été, qu'elle ne pouvait qu'avoir été, troublée par les visions funèbres de l'après-midi. Et elle fut enfin d'avis que les crânes des morts ne reviennent pas se promener vivants derrière les fenêtres des demoiselles. Elle se trouva même un peu niaise, entraîna Raymond sur le balcon du salon du premier étage pour pouvoir lui confesser, à lui qui la croyait si sage, si raisonnable, combien elle avait honte d'elle-même. Ce balcon surplombait la mer, dont le flot venait mourir de ce côté, au pied du mur de la villa. L'immense paix de l'océan finit par la calmer tout à fait. Alors, posément, elle ôta son bracelet. « C'est lui, fit-elle, qui peut-être m'inquiète. En vérité, avant d'avoir passé à mon poignet ce bracelet inconnu, je n'avais jamais été assez sotte pour voir des fantômes derrière mes fenêtres. » Et elle jeta le bracelet dans la mer. Raymond n'arrêta point son geste. « Ma foi, dit-il, je ne suis point fâché de cette solution. Je vous offrirai une alliance, comme tout bon bourgeois de chez nous, et au moins on saura de quel bijoutier elle vient. » Chacun s'en fut reposé. La nuit se passa sans incident. Mais vers 7 heures du matin, un horrible cri, parti de la chambre occupée par Marie-Thérèse, faisait se précipiter de ce côté Raymond et les domestiques. Ils pénétrèrent dans l'appartement. Marie-Thérèse était assise sur son lit, la poitrine haletante, les yeux hagards. Elle fixait son poignet. Marie-Thérèse venait de se réveiller avec le bracelet Soleil d'Or.